H, j'en ai dans mon sang. Bitch, négro foufou dans ton clan. Pourquoi tu suces qu'au pied collé? Fonce carreau, Mike, j'avance au calme, mauvais gros nez. Jack, je veux les love, bro, SO Doc. Des coupes d'un bloc opératoire pour PSO or. Damn, raque mon canon comme au Queens. Je veux la Benz, je te laisse les carottes wheels. SO Wolf, qu'on ça tous le tête black. Soldats tous, font ça rose à l'auto black. NRM, nouveau rap, mondial là pour Euro Max. Ça instaure, régime tyrannique sur le trône, fait des copeaux de wax. Fais pas de bruit pour rien, on arrive comme la FDJ. Si on vient se boursier, j'ai rien, je veux pas la Saint-Pierre d'Égypte. Dans ma tête, j'ai les clés, ouvre des portes. Zirus Jack, les ventreurs, ouvre des prods. Au Vénec, on n'a pas d'alliés, pas de palace à damier. Tape les algorithmes, flogger, on a qu'à dérier. J'ai les Woods, amène la cargaison d'herbe. Cargaison de MS, cartel qui lui dans la maison piège. Roulons, dirait Philippe. Et là, c'est Franck imité. Néonègre, Jackie lui dans l'ADN. SO Black, barotte cool, en esquivant les plaques ADA. SO Rose, j'ai les skills, pas dans les normes. Barre au front, avec Berlusconi dans les Norse. F la F, ça les Kenner part au soleil. Aimerait nous avoir à l'œil, fait des flots qui sont pas obsolètes. Bill Congo, pour les prods enseigne. F la verte, gros comme Gianni, j'enseigne. Baguette magique, quand ça roule des pattes. Baguette ta bitch, elle est molle, j'débarque.